9194. Yo, L-A-Z-A-R. Ouais, ouais. 491. Nique la police. Ouais, la PS, gros. J'crache sur la police. Je viens de ces endroits où crèche la violence. Où la haine t'accroche, t'arrache à tous tes sentiments. Dans ton cœur remplace la rage. C'est châtiment, la vie est rude sur le ciment. Rien se fait gentiment avec les forces de l'ordre. C'est le rapport de force forcée. Être flic chez nous c'est corsé. Mets tes coins en quatre couilles, faudra débourser. J'ai mal au cœur pour ceux que la justice a brisé. De la barre, t'envoies derrière leur barreau. Il faut que nous mépriser, t'empêche pas. Je compte bien arriver plus haut. Je voudrais maîtriser, me garder dans leur merde. Pense pouvoir me traumatiser. Ils auront que ma bite dans leur merde. Y'a pas de quoi dramatiser. J'ai pas de temps à perdre. J'ai un but pour réaliser. Ils s'imaginent pas tout ce que je serais prêt à faire. Faire des trucs de ouf, de dingue, de fou. Rester authentique, 40 et 10 kilos de shit. Passer pour des flics, braquer la brique. Buter le bel, réel but. Magnifique et bénéfique des coups médiatiques. C'est pas romantique ni poétique. Puis t'auras bite dingue, chaotique. Comme un flingue automatique. J'ai peur de ma haine. Peur de ma rage, peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud. Pour que tu comprennes mon attitude. Chez nous l'espoir titube et la réalité tue. J'ai peur de ma haine, peur de ma rage. Peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud. PS reflète mes pensées, mon vécu dépensé. Sur le bitume dans 9-4, ma rage, ma haine dégagée. Tu qui es dans les cages, seule la rage m'a motivé. Nerveux agacé, seule la THG peut me calmer. Mon son est calibré, un rap de qualité à 100 degrés. De cri ou de force, le rap français va s'incliner. Chaud, chaud, bouillant, sont lourds pour les truands. Tac, le zoom d'isolo fait les cramés sont un fauteuil roulant. On est brûlant, fulgurant, beaucoup trop méfiant. Car on dit l'on vend tous les stocks de stupéfiants. Sur le terrain nonchalant, tu grossis le jean-jean. Les poches pleines, trop gourmandes, défilées par un agent. La drogue est coulée de ta piole, les crocs et nanes et tôt. Sans cesse étouffer le passé de quand j'ai des mots. Puis le chrome dans la peau, tu cherches les billets. Les mots clés, c'est haut les mains, et ferme ta gueule enculé. Neuf quartiers, force de frappe de grande intensité. Amorcé pour tout baiser, telle sera sa destinée. Un rat dur pour les mecs en chien. Censurer mon son garçon, t'es cramé, tu sers à rien. Peur de ma haine, peur de ma rage. Peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud. Pour que tu comprennes mon attitude. Chez nous l'espoir titube et la réalité tue. J'ai peur de ma haine, peur de ma rage. Peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud. Y'a pas à nous dire que l'espoir fait vivre. Chez nous la réalité tue. Certains préservent leur joie de vivre, pour d'autres ces malheurs s'accentuent. Les plus forts continuent à se battre, les plus faibles restent abattus. La France te met à quatre pattes et son système t'entube. En peu de temps tu constates que la vie c'est dur, c'est pas de thune. Quand ça passe ou ça casse, là y'a ce cash track sur le bitume. Je me casse le crâne, je gratte, je veux voir gonfler ma fortune. Si un de ces cas je craque, c'est que ma souffrance m'importune. Quand ton destin te braque, il te laisse dans ton amertume. Faut rester brave, durer la sentence si tu baves. C'est la coutume, rien que ça s'aggrave. Rien qu'à la violence, à la merde, dont ça coutume. Voir les larmes de ma mère, pour moi une réelle torture. Tourmenté sur ma vie tordue. Bâtard, c'est à mon tour de monter. J'ai grandi parmi les ordures. Protège ton dos, toujours faut bien que tu saches. Y'a plus personne à l'abri d'un coup dur. Nga L-A-Z-A-R, yo. Nique sa mère la justice. Grigny Arcueil. Ok. 9194. Ok. 1-1. J'ai peur de ma haine, peur de ma rage. Peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud. Pour que tu comprennes mon attitude. Chez nous l'espoir titube et la réalité tue. J'ai peur de ma haine, peur de ma rage. Peur que ça parte en couille. Y'a déjà trop de peine dans mon entourage. Je vais faire un tour dans ma banlieue sud.